Chapitre 13. Camille marchait seule le long des quais. En sortant de chez Claire, elle avait tourné la tête du côté de sa maison, mais elle n'avait pas pris le chemin qui l'y conduisait. À aucun prix, elle n'eût voulu raconter à ses vieux parents la scène qui venait de se passer. Il lui fallait du temps pour se remettre, et elle s'en alla droit devant elle. Un brouillard gris et pénétrant montait de la Seine et revêtait les objets d'une sorte de crêpe noirâtre. Le froid humide se glissait sous les vêtements et faisait frissonner les passants qui y pressaient le pas, mais la marche était difficile sur le pavé gras et glissant. Le jour qui tombait achevait de donner un air de tristesse aux grands arbres du quai. Camille allait lentement vers l'hôtel de la Trémouille, inconsciemment attirée par le désir maladif d'épuiser la coupe de sa douleur et de rappeler l'amertume qu'elle avait éprouvée en ce lieu. Chassée par la femme après l'avoir été par le mari, quelle ignominie, et combien la jeune orgueilleuse la trouvait imméritée. C'était pour s'être maintenue dans une sphère idéale, bien au-dessus de tout ce qui dégrade la nature humaine, qu'elle s'était vue infliger ce double outrage. Mais alors, à quoi bon les hautes aspirations, les sacrifices surhumains? À quoi bon ces efforts constants vers le détachement des choses mortelles, si la honte et l'insulte devaient être leur seule récompense? Une consolation au moins restait à Camille. Paul Brécard avait respecté son secret. Elle ne songea pas à Mirmont. De semblables combinaisons n'entraient pas dans ses idées. Elle se dit que Claire avait pu être avertie soit par des propos de domestique, elle n'avait pas oublié le regard que le concierge lui avait jeté la veille, soit par son instinct pervers de femme jalouse. Paul restait son idole, mais qu'il avait été cruel pour elle. Et désormais, qu'attendre de cet homme poussé au mal par sa femme injuste et irritée? Tout était bien fini de ce côté-là, et chose étrange, Camille éprouva une sorte de soulagement, en pensant que Paul Brécard ne serait plus rien dans sa vie. Elle s'était acharnée à cet amour. Tout en croyant essayer de s'en défaire, elle l'avait de plus en plus enfoncé dans son imagination, et au moment où elle constatait son impuissance en face de la réalité, elle ressentait une sorte de contentement, celui des lutteurs vaincus qui, la journée finie, sont certains au moins de ne plus recevoir de Orion et d'avoir la nuit pour panser leurs blessures. Ce contentement d'espèce très inférieure n'est autre chose que la lâcheté de la nature humaine devant la souffrance physique ou morale. Mais en ce moment, Camille n'était pas en état de faire des distinctions philosophiques. Paul devait disparaître de sa vie. Elle allait se faire une existence d'où serait bannie l'image de l'homme qui avait méconnu son dévouement et refusé sa pure tendresse. Elle frémit en pensant au vide de son esprit et de son cœur si elle se soumettait à cette nécessité. À quoi penserait-elle désormais? Dans quel but dirigerait-elle ses pensées et ses actions? Le mysticisme qui l'avait toujours guidée eût pu lui offrir un refuge, mais les sentiments religieux de Camille étaient étroits et superficiels, attachés à la lettre et non à l'esprit. Ce n'est pas là qu'elle pouvait trouver des consolations. Elle n'avait jamais, tout au fond de sa conscience, approuvé Jésus d'avoir pardonné à la femme coupable. C'était une faiblesse de la part du Maître, excusable seulement à cause de sa grande bonté et de son essence divine. Combien pensent ainsi parmi ceux qui professent les maximes les plus édifiantes? C'est pour cela qu'a été condamnée la foi sans les œuvres. Où Camille trouvera-t-elle la paix et le repos? Elle allait toujours le long du quai, morne dans la nuit opaque, éclairée par les becs de gaz de lueurs rougeâtres et diffuses. Elle errait d'un pas tardif et distrait, engourdie par le froid humide. Tout à coup, elle s'arrêta. Ses pensées l'avaient conduite à l'endroit même où, deux jours avant, elle avait évoqué de si tristes images. C'est là qu'un désespéré viendrait finir ses angoisses, avait-elle dit. Était-elle cette âme en peine que la mort seule pourrait calmer? Elle resta immobile un moment, puis reprit sa marche d'un pas plus rapide et descendit jusqu'au bord de l'eau sombre et frissonnante. Le lieu était plus lugubre que jamais. De grands madriers noirs s'avançaient jusqu'à tremper dans le courant. Quelques pierres blanchâtres formaient des taches dans l'ombre grise, et au-dessus, devant elle, derrière, le ciel bas reflétait la lueur sinistre de Paris éclairée au gaz, lueur qui semble celle d'un incendie et qui surprend parfois les yeux mêmes les plus expérimentés. Qu'était-elle venue faire en cet endroit? La jeune fille recula de deux pas et s'assit sur une pierre pour se poser cette question. Le besoin de creuser sa souffrance jusqu'au fond, de goûter à la mère volupté de la mort prochaine, immédiate, l'avait conduite là. Aucune pensée de suicide ne s'y était réellement mêlée, mais Camille, dans son imagination malsaine et dévoyée, ne redoutait pas d'aborder tous les crimes afin d'en connaître la saveur. Il y avait pour elle une satisfaction intime à se sentir plus forte que ceux qui se suicident, à tremper ses pieds dans l'onde qui en emporte tant d'autres, et à se dire « je n'irai pas plus loin ». Était-ce force ou faiblesse, amour du devoir ou amour de la vie? Personne ne saurait la juger sur ce point, mais l'orgueilleuse fille prononça dans sa conscience que c'était l'amour du devoir qui la retenait sur la rive, et son orgueil consolé lui dressa un nouveau piédestal. Que lui importaient au fond ces gens méprisables, ce Paul qui préférait à tous les délices matériels du mariage, cette Claire qui avait méconnu son affection et qui l'accusait de vouloir lui enlever son mari, son mari? Est-ce que Camille pouvait aimer le mari? C'était Paul qu'elle avait aimé, non le mari de Claire. Elle s'arrêta à la pensée qu'elle l'avait aimé en effet. C'était un passé, bien mort. Elle n'aimait plus Paul, ni personne. Eh bien quoi? Tant mieux! Délivrée des soins qu'il avait agités pour les autres, elle allait enfin vivre pour elle. Cette idée lui fit passer une sorte de frisson de joie entre les épaules. Elle avait un peu froid et elle se leva. Ses pas la portèrent machinalement vers le quai et elle reprit sans plus d'hésitation le chemin de son logis. Ce n'était pas seulement la soupe qu'avaient mangé monsieur et madame Froger, mais bien le poisson, la sole au gratin, chère à Sébastien, et le rôti, un poulet superbe. Les reliefs de la salade émaillaient le fond du saladier, et quoiqu'ils n'eussent faim ni l'un ni l'autre, les bons vieux avaient mangé, par colère, à s'en donner une indigestion. « Il ne faut pas qu'elle croie nous faire de la peine, » avait dit la tante Belle. « Je suis vraiment certaine que cette idée la réjouirait. Mangeons tout, mon bon Sébastien, et nous verrons ensuite ce qu'elle dira. » Camille entra, le front haut. Elle avait trouvé un nouvel équilibre et se sentait plus forte que jamais. Ses yeux avaient un éclat dur, sa lèvre dédaigneuse était plus arquée, et elle se présenta comme si elle eût relevé un défi. La vie, en effet, devenait pour elle un défi perpétuel à la raison et à la bonté. « Nous avons fini, Camille, » lui dit Madame Froger d'un ton calme qui n'excluait pas le reproche. « Vous avez bien fait, ma tante, » répondit la jeune fille. Abasourdie, la tante Belle regarda Sébastien, qui n'était pas moins stupéfait. « Quand tu dîneras en ville, » dit celui-ci, essayant de rattraper une contenance, « tu auras soin de nous prévenir d'avance. Ce n'est pas amusant d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. » « Je n'ai pas dîné en ville, mon oncle, » répondit Camille en se coupant un morceau de pain. Elle n'avait pas faim, mais elle ne voulait pas céder. « D'où viens-tu alors ? » demanda la tante Belle, d'une voix un peu plus élevée que de coutume. « Je me suis promenée, ma tante, » répondit Mademoiselle Froger, en se versant un verre d'eau limpide. « Remportez tout cela, » dit-elle à la servante qui apportait la carcasse du poulet. « Je n'aime pas le rôti. » La vieille cuisinière sourde n'avait pas entendu les paroles, mais elle avait compris le geste, et bien mieux encore certains froncements de sourcils de Madame Froger, qu'elle n'avait peut-être pas vu plus de 3 ou 4 fois dans sa vie, mais qui avait toujours présagé un orage violent. Elle se retira donc, et ferma la porte avec précaution, sans faire de bruit. « Camille, » dit Madame Froger, « me diras-tu ce que cela signifie ?»« Et mon Dieu, ma tante, cela ne signifie rien du tout, je n'avais pas faim. Je me suis promenée au lieu de rentrer pour m'asseoir devant un dîner que je ne mangerais pas. « Je ne vois pas qu'il y a de quoi me chercher noise. »« Camille !» tonna Sébastien en frappant sur la table du plat de sa main potelée. « Tu viens de manquer de respect à ta tante. Fais-lui immédiatement tes excuses. » Au mot d'excuse, la jeune fille bondit comme si elle avait reçu un coup de fouet. Après ce qu'elle avait enduré depuis l'avant-veille, cette vulgaire scène de famille lui semblait le coup de pied de l'âne. « Mon oncle !» s'écria-t-elle. « C'est une véritable persécution, et je ne sais où vous prenez mes torts. » Si c'est une idée fixe chez vous de me trouver en faute à tout propos, je vous déclare que je ne m'y soumettrai pas. « Te trouver en faute ?» gémit la tante Belle, pendant que Sébastien, suffoqué, devenait cramoisi. « Mais malheureux enfant, nous ne faisons pas autre chose que de supporter tes caprices. Comment ne vois-tu pas que nous sommes à bout de patience ?»« Moi aussi !» déclara Camille en se croisant les bras. Le verre d'eau qu'elle avait bu avait calmé son premier feu, mais sans rien lui ôter de sa colère, ce qui lui donnait un avantage marqué sur les deux vieux, positivement hors d'eux-mêmes par la nouveauté de cette étrange situation. « Moi aussi, je suis à bout de patience. Ce n'est pas assez de supporter vos petites manies, vos répétitions perpétuelles, de vivre ici entre vos chardonnerets et votre vieille cuisinière sourde, d'entendre discourir à perte de vue sur la cuisine, moi qui déteste la gourmandise. Il faut encore que je sois assujetti à rentrer à une heure fixe, comme si j'avais un licol au cou, sous peine de me voir faire les scènes les plus absurdes. Eh bien non, ma tante, non, mon oncle. Je veux être maîtresse de mes actions, j'ai 25 ans révolus, je suis archimajeur, je réponds de moi-même et ne veux dépendre que de moi. C'est bien, Camille, fit Sébastien, de cramoisi devenu blême. Dès demain, vous quitterez notre toit, dont vous dédaignez la protection modeste, mais assurée. Y penses-tu, Sébastien ? S'écria Isabelle, qui serra son mari dans ses bras pour mieux lui faire entendre raison. Y penses-tu, une orpheline ? Dieu savait bien ce qu'il faisait quand il l'a rendue orpheline, répliqua le vieux professeur en étouffant un sanglot. Elle n'était pas digne de conserver son père et sa mère. Les miens, moi, sont morts à 80 ans passés. Camille, fort ennuyée de la tournure que prenait l'entretien, se dit qu'il fallait faire des concessions pour avoir la paix. Voyons, mon oncle, vous avez toujours prétendu que j'étais une originale. Mettez mes promenades sur le compte de mon originalité et promettez-moi que vous ne m'attendrez plus. » Sébastien avait recouvré sa fermeté. Au grand étonnement d'Isabelle, qui lui faisait des signes pour qu'il accepta ses paroles comme une excuse, il dit à Camille « Tu as perdu la tête, ma nièce, et nous te traiterons comme une enfant malade. C'est en considération de ton état maladif que nous serons indulgents cette fois encore, mais s'il t'arrive désormais de manquer aux égards que tu nous dois, nous cesserons de te traiter comme notre enfant, et tu ne seras plus sous notre toit qu'une étrangère à laquelle son isolement nous ordonne de témoigner de la compassion. » De tous les mots de la langue française, celui-là était le plus blessant pour Camille. Depuis 2 jours, on eût dit que le monde entier s'entendait pour le lui jeter à la face. « Je n'ai pas besoin de compassion, mon oncle, » fit-elle avec hauteur. « Si vous êtes là de me témoigner de la tendresse, dites-le, cela vaudra mieux que de me persécuter comme vous le faites. » « Elle est folle, Sébastien, elle est folle !» s'écria la tante Belle, lisant sur le visage de son mari les indices d'une terrible colère. « Laisse-lui le temps de se calmer, elle ne sait plus ce qu'elle dit !» Moitié douceur, moitié violence, elle entraîna Sébastien dans sa chambre à coucher, où il fut pris d'un violent accès de chagrin. Pendant plus d'une heure, à grand renfort d'eau de mélisse et de fleurs d'oranger, elle s'efforça de le calmer et n'obtint ce résultat qu'avec de bonnes paroles puisées au plus profond de son excellent cœur. Restée maîtresse de la place, Camille promena un regard satisfait autour d'elle, sur les chaises de crin noir, sur la cage à chardonneret, sur le service Louis-Philippe étalé sur le dressoir, sur tous ses témoins de son triomphe, et elle s'avoua que jamais tous ces vilains objets ne lui avaient paru plus laids et plus déplaisants. Oui, cette maison lui était odieuse. Elle eût voulu pouvoir l'anéantir. Faudrait-il y vivre toujours ? Elle savait malgré tout le bien qu'elle pensait d'elle-même, que la protection morale que lui accordaient ses vieux parents en la gardant chez eux était le garant de sa position sociale. Si elle quittait cette maison, elle perdrait du jour au lendemain les 3/4 de ses leçons et peut-être bien le dernier quart comme le reste. La vie était donc une impasse de laquelle elle ne devait jamais sortir. Pleine de colère contre le monde entier, ce monde mal fait, biscornu, idiot, qui ne veut accepter de chemin que les ornières et qui ne salue que ceux qui font comme tout le monde, Camille se retira dans sa chambre. Ouvrant le tiroir où elle mettait ses papiers importants, elle en tira la fameuse lettre de faire-part, cause de tant de maux, et la regarda un instant avec un sourire de mépris. C'était pour ces gens-là qu'elle s'était fait tant de chagrin. Parce qu'un ingénieur parisien tombé dans sa petite ville avait jeté les yeux sur la dot d'une claire logée, jolie fille insignifiante, elle, Camille, pleine d'intelligence et de vertu, rayonnante de beauté, elle avait perdu 6 années de sa vie. Elle eut pitié d'elle-même, cette fois, et froissant le vieux papier jauni, elle l'alluma la bougie, le jeta dans la cheminée et le regarda se consumer. « C'est fini, » se dit-elle, quand il n'en resta plus qu'un peu de cendre noire. « C'est fini pour toujours. » Elle resta longtemps assise devant ce petit monceau de cendres que le vent s'engouffrant de la cheminée faisait frissonner de temps en temps. Elle les regardait sans les voir, pensant à tant de choses anciennes que le présent était oublié. Son enfance, seule d'abord avec ses parents dans un intérieur triste, puis la mort de sa mère, sa triste vie d'adolescente auprès d'un père morose, la perte de celui-ci, qui la laissait isolée et sans recours, tous ses souvenirs lui revenaient avec la douleur engourdie des anciennes peines, cette espèce de chagrin qui s'appesantit si lourdement sur les épaules qu'on ne cherche pas à résister et qu'on se laisse submerger par cette marée montante d'angoisse. La cause de tant de souffrances, elle n'était pas difficile à trouver, c'était la pauvreté. Non pas la pauvreté franchement avouée, qui promène indifféremment dans les rues ses vêtements rapiécés, déteints par la pluie, par le soleil et par de fréquents blanchissages, mais la pauvreté inavouée, qui porte des vêtements convenables obtenus à grand renfort de privation au logis. Chaque robe neuve de Camille lui avait coûté de longs mois sans feu en hiver, des soupers de pain sec arrosés d'eau claire en été. Elle était jeune alors, et stoïque au fond de sa nature. Elle s'inquiétait peu de ses misères. Mais le souvenir de ce temps-là était probablement plus dur que ne l'avait été le temps lui-même. La pauvreté était la grande ennemie de Camille. Elle s'en apercevait à présent. Comment se faisait-il que cette pauvreté, toujours traitée par elle en amie, dont elle était fière, qu'elle avait maintes fois arborée comme un palladium destiné à la défendre contre les faiblesses de la vie, que cette pauvreté, dont elle avait fait son honneur, lui déclara soudain la guerre? Elle se garda bien de penser que son immense orgueil, chassé des régions idéales où il s'était maintenu jusque-là, lui inspirait un besoin irrésistible de dominer son prochain à défaut d'elle-même. La vie chez ses parents lui devenait intolérable. Si elle ne pouvait plus rêver à sa guise, agir selon sa fantaisie, qu'était cette demeure hospitalière, sinon une prison? Elle songea à se soustraire à cette tyrannie en louant quelque part une petite chambre où elle aurait au moins ses coudées franches. Mais il lui fallut renoncer aussitôt à ce germe de projet, car elle comprit que pour le mettre à exécution, il faudrait se brouiller inévitablement avec son oncle et sa tante. Et les conséquences naturelles de cette rupture seraient pour elle la perte de ses leçons dans un temps prochain. Que faire? De quel côté se retourner? Le couvent? Camille sentait que jamais elle ne pourrait se plier à la règle étroite du couvent. Si c'eût été au temps des saints, elle eût marché avec joie dans l'ombre du manteau d'une sainte, reconnue comme telle et béatifiée de son vivant. Mais que lui importait la vie exemplaire et les vertus d'une humble supérieure dont personne durant sa vie ne savait le nom et que personne ne glorifierait après sa mort? Ce qu'il fallait à Camille, c'était la satisfaction ambitieuse d'être sinon la première, au moins parmi les premiers, aimée et estimée de ceux-là, quels qu'ils fussent, dans le milieu où son destin la ferait vivre. Le monde avait été ingrat pour elle. Elle avait toujours fait de son mieux, prodiguant le meilleur de sa vie à des gens qui n'en avaient pas voulu. Son oncle et sa tante étaient incapables de la comprendre. Ces êtres matériels, enfoncés dans la prose de la vie, ne pouvaient apprécier que les délices d'un bon dîner, et tout au plus le mérite de la soumission aux usages de leur monde bourgeois et mesquin. Claire était une femme sotte et orgueilleuse, entichée de sa dignité de femme mariée, et comme les époux Froger, incapable de s'élever au-dessus des étroitesses du préjugé. Paul, ah, celui-là l'avait bien trompé. Se fiant à son extérieur poétique, aux paroles qui jadis sortaient de ses lèvres, à cette glorification constante de l'idéal qui était autrefois sa préoccupation, elle avait continué à l'aimer, pendant que lui, s'enfonçant dans les vulgarités du mariage, il était devenu un homme comme les autres, et maintenant, il tombait autant au-dessous des autres que jadis elle l'avait élevé au-dessus. Un seul être s'était montré plus digne que les autres, un seul avait témoigné de la grandeur et de la noblesse de caractère, c'était Mirmont, Mirmont lui proposant d'oublier qu'elle avait aimé Paul si elle consentait à lui donner sa main. Camille se plongea dans une méditation profonde. S'efforçant de mettre de côté les avantages matériels de cette union, elle se mentit une fois de plus. Elle se fit un héros de Mirmont pour se cacher à elle-même qu'il était riche et qu'il deviendrait quelqu'un. Volontairement, avec la ténacité qui lui était propre, elle rejeta dans l'oubli le désir qu'avaient témoigné les époux Froger de lui voir épouser le fonctionnaire, et elle en arriva presque à se persuader qu'ils étaient contraires à ce mariage. C'était pour elle le grand point, faire preuve de caractère. Lorsqu'elle se fut persuadée que ses ennemis, c'étaient ses parents qu'elle désignait ainsi, serait mécontent de l'avoir épousé Mirmont et qu'il ne l'avait engagé à se marier que pour se défaire d'elle, Camille n'éprouva plus aucune hésitation. Mettant sous ses pieds son orgueil féminin, à vrai dire tellement aveuglé par ses sophismes qu'elle ne comprit pas l'humiliation qu'elle s'infligeait, elle se mit à son bureau et écrivit à Mirmont. « Monsieur, vous m'avez engagé à réfléchir sur votre proposition. J'ai réfléchi suivant votre conseil et je suis prête à vous recevoir pour en parler avec vous. » Camille Froger. En signant son nom, la jeune fille hésita un instant. Puis, prenant une autre feuille de papier, elle y traça d'une grande écriture qui ne tremblait pas, Camille Mirmont. Ses yeux s'arrêtèrent avec complaisance sur ce nom nouveau, et un sourire de triomphe fit rayonner tout son visage. Elle l'avait vaincu cette fois. Elle s'endormit presque sur le champ, avec la satisfaction d'un général qui vient de gagner une bataille, et que le râle des blessés et des mourants ne trouble qu'autant que le veut la pitié naturelle au cœur de l'homme. La guerre n'a-t-elle pas ses nécessités cruelles? Ainsi des anciens sentiments de Camille. Le lendemain, vers 5 heures, Mirmont, qui avait reçu la lettre au bureau, se présenta chez Madame Froger. Sébastien faisait sa promenade journalière et Isabelle, à la cuisine, surveillait sa vieille bonne dans la confection d'un mets délicat destiné à consoler son mari de l'algarade de la veille. Mirmont, introduit au salon, pendant que Madame Froger se lavait les mains en grande hâte et se demandait ce que cela voulait dire, se trouva en présence de Camille, qui l'attendait de pied ferme et le cœur fort serré, mais avec une contenance irréprochable. Un autre eut triomphé à la vue de sa belle adversaire vaincue et à sa merci. Gustave fut plus habile. Il aurait le temps de triompher, puisque le mariage est indissoluble. Il s'avança vers Camille de l'air humble d'un soupirant à peine toléré, et lui baisant respectueusement la main, il la fit asseoir sur un fauteuil, après quoi il prit une chaise à une distance convenable. Rassurée par cet abord plein de déférence, Camille retrouva tout son calme. « Vous avez reçu ma lettre ? » dit-elle d'une voix ferme. « C'est ce qui m'a permis de me présenter devant vos yeux, » répondit Mirmont avec un demi-sourire, destiné à rompre la glace. « Sans votre assentiment, je ne me serais pas risqué à vous déplaire. » Camille ne put s'empêcher de penser que Gustave Mirmont était parfaitement bien élevé. Les avantages moraux que l'on peut trouver dans l'observation des convenances ne lui parurent plus tout à fait aussi puérils. Mais comment dire à un monsieur refusé 2 ou 3 jours auparavant qu'on a changé d'idée et que sa demande est agréée ? Mirmont lui épargna encore cette peine, non sans le sentiment fourre-doux qu'il prenait de cette façon un avantage très marqué, avantage qu'il conserverait par la suite des temps. « Vous m'autorisez donc, dit-il avec une douceur exquise, à demander votre main à M. Froger ?» Camille hésita une seconde. Le mot qu'elle allait prononcer serait irréparable. Un vague remords lui causa une inquiétude soudaine. Serait-elle une bonne femme pour l'homme qu'elle avait en face d'elle? Pouvait-elle lui jurer, sans sacrilège, amour et fidélité? Ne s'engageait-elle pas dans cette redoutable aventure avec des sentiments mauvais, qu'elle eût dû repousser au lieu d'y apporter le calme et la paix du cœur qui doivent présider à tout mariage vraiment respectable? Elle sentit que son cœur n'était pas calme et que sa conscience n'était pas pure. « Ce n'est pas ma faute, » se dit-elle avec une sorte de colère. « Ce sont eux qui m'ont troublée, et non moi qui suis coupable. » Aussitôt, d'une voix claire, elle répondit à Mirmont. « Je vous autorise, monsieur, sous une seule réserve. Jamais vous n'exigerez que je revoie monsieur et madame Bricard. » « Cette requête est trop conforme aux vœux de mon propre cœur pour que je ne sois pas heureux d'y souscrire. » répondit Mirmont dans le style le plus élégant et avec le geste le mieux approprié. En ce moment, Madame Froger, qui avait fini de s'essuyer les mains, apparut sur la porte, bien inquiète des sottises que sa nièce avait pu dire ou faire à M. Gustave Mirmont. Grande fut sa surprise en les trouvant si bien d'accord. Comme son prétendu ouvre la bouche pour faire à la bonne dame sa demande officielle avec un choix d'expression dûment approprié, Camille lui coupa la parole. Elle n'avait pas l'intention de demander le consentement de ses parents. Cette démarche, que la politesse motivait de la part de Mirmont, était pour elle une chose humiliante, surtout après la scène de la veille. « Ma tante, dit-elle, j'épouse M. Mirmont. »« Si vous voulez bien m'accorder votre consentement, ajouta le fonctionnaire, décidé dès le principe à ne pas laisser péricliter son autorité conjugale. « Ah, monsieur, que je suis heureuse. Je crois bien que je vous l'accorde, s'écria la bonne âme. « Méchante enfant, tu as donc réfléchi. Tu as bien fait et tu seras heureuse. Monsieur Mirmont, il faut que je vous embrasse. » Pendant que Camille souriait dédaigneusement, Madame Froger reçut l'accolade de son futur neveu et ensuite elle-même dut incliner son front hautain sous le baiser maternel de sa tante. Sur ces entrefaites, Sébastien entra, Rose et Guilleret. Sa promenade lui avait donné un appétit superbe et il n'avait conservé de la scène de la veille qu'un souvenir désagréable mais indistinct qu'il s'efforçait de bannir. « Figure-toi, mon ami, » s'écria Isabelle en l'apercevant, « Camille épouse M. Mirmont. » Dans son saisissement, Sébastien laissa tomber sa canne, que Mirmont ramassa avec l'empressement d'un neveu bien appris. Il le remercia machinalement, puis, regardant sa nièce avec attention, il lut sans doute sur son visage bien des choses qu'il n'avait pas trouvées dans Buffon. Mais on a beau avoir été professeur de belles-lettres, on n'en est pas moins homme, et si naïf que l'étude des maîtres vous ait fait rester, on connaît la vie quand on a bientôt 70 ans. « Tu épouses, monsieur Mirmont ?» dit-il à sa nièce d'un ton affectueux, où perçait cependant un secret reproche. « J'espère que ce n'est pas pour nous faire plaisir. » Camille sentit tout ce que contenait cette simple question, et son orgueil se révolta. « Non, mon oncle, » répondit-elle vivement, « c'est pour moi-même. »« Voilà une bonne parole !» s'écria Mirmont en se penchant galamment sur la main de sa fiancée. Sébastien regarda Camille pendant un quart de seconde et secoua imperceptiblement la tête. « C'est une bonne parole, » répliqua-t-il lentement. « Oui, c'est une bonne parole. Vous pouvez être content. Eh bien, Camille, je te fais mon compliment. »« Et à moi, monsieur Froger ?» répartit gaiement Mirmont. « Est-ce que vous ne me faites pas aussi compliment ?»« À vous aussi, monsieur Mirmont. Oui, » répondit le vieillard comme à regret. « J'espère que Camille sera une bonne femme et que vous serez heureux tous deux. » La joie de la tante Belle était plus bruyante, et son animation déroba aux yeux de Mirmont ce que la réserve de son mari aurait pu avoir d'inquiétant. L'heureux fiancé vit fort bien, cependant, qu'il avait dû se passer quelque chose d'extraordinaire, mais il s'abstint de questionner. Après tout, quand Camille aurait été de mauvaise humeur avec son oncle et sa tante, il n'y avait là rien qui pût l'étonner. Gustave avait mis de sa main le feu aux poudres, ce n'était pas un peu de dégâts qui devait le surprendre. Comme il était naturellement curieux, il eut beaucoup donné pour savoir ce qui s'était passé entre sa visite à Madame Bricard et la lettre que Camille lui avait écrite. Mais chacun de nous emporte dans la tombe un désir qui n'a pas été satisfait, une aspiration qui n'a point trouvé son objectif. C'est ce que cette journée bien remplie devait être pour Gustave Mirmont, qui n'en connut jamais l'emploi. On dîna gaiement tous ensemble dans la petite salle à manger, meublée d'acajou et de crin noir, si gaiement que les chardonnerets, réveillés par le bruit, se mirent à gazouiller tous ensemble et qu'il fallut couvrir leur cage avec un tapis de table pour parvenir à s'entendre. Le dîner était excellent. Sans cela, jamais la tante Belle ne se fut permis d'inviter au pied levé un homme aussi considérable que son futur neveu, et Mirmont y fit grand honneur. « Quand vous serez ma femme, » dit-il à Camille, qui, suivant son habitude, ne mangeait que du pain et ne buvait que de l'eau, « il faudra bien apprendre à vivre d'autre chose que d'air pur. Vous invités ne vous le pardonnerez pas. » Camille sourit et accepta une aile de caneton. L'idée d'avoir des invités à sa table était assez attrayante pour lui faire manger même du rôti, malgré sa répugnance. Quand Mirmont se fut retiré quelques heures après, Froger prit sa nièce à part pendant que sa femme rangeait l'argenterie. « Camille, » lui dit-il avec une gravité dont il n'était pas coutumier, « tu as accepté, monsieur Mirmont. Je n'ai pas besoin de te dire que nous en sommes très heureux, car ce mariage te donne une position et une fortune inespérées. Mais tu n'y as pas apporté ce qu'on doit porter dans le mariage, ce qui a fait de ta tante et de moi des gens heureux malgré toutes nos peines, un amour sincère du bien et un dévouement absolu à son époux. « Mon oncle, » commença Camille, impatiente et rétive sous la semonce, « écoute-moi, » reprit-il avec une autorité qui imposa silence à la jeune révoltée. « Je ne te reparlerai jamais de ce que je vais te dire, mais il faut que tu l'aies entendu. Tu n'aimes pas Mirmont, tu l'épouses par ambition, par colère, par dépit peut-être. Le consentement que tu lui as accordé aujourd'hui, après la scène d'hier et ton refus précédent, est la preuve que tu n'es pas guidé uniquement par de bons sentiments. » « Ceci est ton affaire. Tu la régleras entre ta conscience et toi. Rappelle-toi que si tant que tu n'es pas marié, cette maison est la tienne, à condition que tu y apporteras la soumission et le respect auxquels ta tante et moi nous avons droit, cette demeure te sera impitoyablement fermée si tu te trouves malheureuse après ton mariage. Tu as voulu agir seule, tu supporteras toutes les responsabilités. « Soyez tranquille, mon oncle, » fit Camille avec son sourire hautain, « je n'y reviendrai pas. » Blessé au cœur, le vieillard quitta le salon. Resté seul, Camille éprouva une sorte de regret. Elle avait été dure avec son oncle. Ne pouvait-elle lui passer un peu de verbiage? Son âge et son titre d'oncle ne l'autorisaient-ils pas à lui donner ses éternels conseils, qui cette fois ressemblaient fort à des reproches? Ce bon mouvement fut vite étouffé par l'orgueil. « Il cherche à se débarrasser de moi, » pensa-t-elle, « et ils ont peur que je ne revienne. » Ils ont grand tort. Cela n'est pas à craindre. » La tante Belle rentrait. Elle n'avait pas vu son mari. Dans la joie de son âme maternelle, elle s'approcha de sa nièce et lui mit doucement la main sur l'épaule. « Eh bien, Camille, lui dit-elle en la regardant avec des yeux pleins de sollicitude rayonnante, tu vas être riche et honorée. Ton mari est bien aimable et bien bon. Malheureusement, tu n'as pas de dot. Mais ce que nous possédons te reviendra après nous. En attendant, il te faut un petit trousseau et je vais... Ma tante, interrompit la jeune fille, ne faites rien pour moi, je ne l'accepterai pas. Monsieur Mirmont m'épouse tel que je suis. J'entrerai chez lui avec le peu que je possède, rien de plus. Mais, malheureux enfant, ta toilette de mariage, j'ai 300 francs de côté, je me marierai en cachemire blanc. N'insistez pas, ma tante, ce serait inutile. » Isabelle resta consternée. « Tu nous détestes donc bien ? » murmura-t-elle pendant que ses yeux s'emplissaient de larmes brûlantes. « Non, ma chère tante, mais je suis fière, et je ne veux rien devoir qu'à moi-même. » Madame Froger pensa que lorsqu'elle serait mariée, Madame Mirmont, n'ayant rien apporté, devrait tout à son mari. Mais peut-être Camille avait-elle sa manière à elle de régler ces comptes-là, et elle ne dit rien. Quelques instants après, comme elle allait et venait, rétablissant l'ordre dans le salon, elle dit à sa nièce « Pourvu que tu sois heureuse, c'est difficile de savoir se conduire dans son ménage. Cela ne s'apprend qu'à la longue. Tu devrais demander conseil à Madame Bricard. Je n'ai jamais vu de ménage mieux assorti. » Camille s'était retournée, elle était livide, et ses yeux lançaient des flammes. « Ma tante, dit-elle, ne me parlez jamais de Madame Bricard. J'ai posé comme condition à mon mari que je ne la reverrai plus. » « Tu t'es querellé avec elle ?» demanda la bonne dame qui ne comprenait guère les brouilles éternelles. « Ce n'est pas une querelle, ma tante, c'est une rupture absolue. Ne m'en reparlez pas ou je me brouillerai avec vous. » Isabelle regarda attentivement sa nièce et un soupçon de la vérité traversa son esprit. Cette humeur indomptable, ses promenades du soir, ses irrégularités d'habitude, tout cela n'avait-il pas commencé avec l'arrivée des Bricard ? Isabelle hocha sa vieille tête blanche et souhaita le bonsoir à sa nièce, sans objecter rien de plus. Le mariage eut lieu le 9 décembre, dans les plus brefs délais. Mirmont n'était pas homme à laisser traîner les choses. Ce fut une cérémonie superbe. Les orgues, les cierges, les fleurs, le tapis rouge, les Suisses, avec leur hallebarde retentissante, rien n'y manqua. L'église contenait un millier de personnes, et au milieu de cette assistance, la fleur du panier de tout un monde spécial, Mirmont conduisit par la main, avec la modeste assurance qui était son propre, Camille, vêtue de cachemire blanc et drapée comme une statue antique, corrigée par la mode actuelle, dans les plis moelleux de la laine, chère aux épouses romaines. Il ne déplaisait pas à Gustave Mirmont, décoré de la veille par les circonstances, de montrer à tout Paris qu'il épousait une jeune fille sans fortune. Dans certains cas, cela pose un homme que de faire un mariage d'amour. Les diamants que Camille portait au cou et aux oreilles n'étaient pas des bijoux de famille. Leur monture neuve et leur éclat éblouissant indiquaient assez qu'ils sortaient de leur écrin. C'était un présent de leur fiancé. « Permettez-moi, avait dit Camille, de ne pas les mettre pour la cérémonie. Je voudrais me marier avec les seuls vêtements que me permet ma pauvreté. « Excusez mon insistance, avait répondu Mirmont. Il vous sied de paraître modestement paré. À moi, il convient d'affirmer que je vous aime et quelle estime j'ai pour vous en vous offrant le gage visible de ma tendresse. » Camille avait obéi. D'ailleurs, de beaux diamants ne sont pas, après tout, une chose si désagréable à voir ni à faire voir, et la résignation lui avait peu coûté. Monsieur et Madame Bricard avaient été convoqués à la cérémonie à l'insu de Camille, qui se fut révolté s'il en eut connaissance. Mais ainsi que dans sa sagesse, Mirmont l'avait supposé, ils se gardèrent bien d'y paraître et se contentèrent d'envoyer des cartes que l'époux de Camille confisqua prudemment. Lorsque, le déjeuner de noces terminé, les nouveaux mariés eurent gagné le chemin de fer pour passer à Nice 8 jours de congé, M. et Mme Froger rentrèrent chez eux et se hâtèrent de déposer leurs beaux atours. Quand, ce devoir accompli, ils se retrouvèrent dans leur modeste salle à manger, devant un petit potage de convalescents, apprêté par la vieille cuisinière, afin de réparer les dommages possibles, suite d'un trop bon déjeuner, ils se regardèrent avec une sorte de vague inquiétude. Chacun semblait craindre de deviner les sentiments de l'autre. « Eh bien, » dit enfin la tante Belle, qui en sa qualité de femme était plus courageuse, « L'oncle Sébastien promena ses regards autour de lui et salua d'un sourire de bonne humeur les objets familiers, les chardonnerets, la grosse lampe, jusqu'aux chaises de crin noir. Il convient de dire que lui avait un fauteuil en velours d'Utrecht cramoisi. « Je pense, dit-il, que nous voilà bien tranquilles. »« Et bien seul, soupira Isabelle à qui les larmes montèrent aux yeux. « Mais bien tranquille, répéta Sébastien avec plus de fermeté. « Isabelle, ne pleure pas, tu aurais tort. » Après cette année de vie commune, gémit l'excellente femme, elle s'en va, tout d'un coup, comme cela. « Sans nous regretter, Isabelle, reprit le mari, et voilà pourquoi nous serions insensés de nous faire du chagrin pour elle. « Écoute-moi, ma bonne femme, continua-t-il en la regardant avec tendresse. Les gens me prennent pour un vieux nigaud, un vieux gourmand, qui prise la bonne chère et ses habitudes par-dessus tout. « Oh, par exemple, interrompit Isabelle indignée. « Laisse dire les gens, continua Sébastien. « Oui, j'aime la bonne chère, parce que cela ne fait de mal à personne. Et j'aime mes habitudes parce qu'elles sont pleines pour moi de souvenirs chéris. Parce que chacune d'elles a eu sa raison d'être autrefois et me rappelle mille choses aimables ou douloureuses, mais qui me tiennent au cœur. Mais je ne suis pas un vieux nigaud, non. Camille est une fille sans cœur qui sera une mauvaise femme, à moins que son mari ne lui tienne la bride serrée. « Oh, Sébastien, elle n'est pas mauvaise !» s'écria Isabelle au milieu d'un flot de nouvelles larmes. « Elle n'est pas méchante, mais elle est mauvaise. Elle est égoïste et orgueilleuse. Amen, ma bonne femme. Nous n'avons plus que nous deux à chérir. Tâchons d'être très heureux et de ne pas nous survivre de beaucoup, car c'est là que serait le véritable malheur. » Tous deux, émus, le cœur très plein, quittèrent la salle à manger et allèrent s'installer devant le joli petit feu de leur chambre où désormais ils passeraient leur soirée, les pieds sur les chenets. Et au bout de quelques minutes, la tante Belle fit faire un peu de thé dans la fameuse théière marquée LP entrelacée. Les nouveaux époux firent une brillante apparition dans le monde lors de leur retour. La politique, un instant, a bien un peu assombri la carrière présumée de Mirmont, mais c'est un homme intelligent qui sait se plier aux circonstances et l'a repris un nouvel essor. Vers le milieu du carême, monsieur et madame Mirmont assistaient à une brillante soirée musicale donnée au ministère, lorsque tout à coup leurs yeux se tournèrent vers un couple qui attirait les regards sympathiques de l'assemblée. C'était Brécard avec sa femme. Lui aussi portait à la boutonnière un ruban rouge conquis la veille, et tous se plaisaient à dire qu'il l'avait bien gagné. En le voyant, en voyant Claire rayonnante de joie et d'une calme fierté, bien différente de l'orgueil qui rongeait Camille, celle-ci ne put se défendre d'un mouvement de rage. Oui, Claire était une femme heureuse. Elle jouissait du triomphe de son mari, non seulement avec son orgueil, mais avec sa tendresse. Et voilà que rien, ni chagrin ni revers, ne pourrait jamais lui ravir. Madame Mirmont se tourna vers son mari. « Emmenez-moi. Vous m'aviez promis que je ne reverrais jamais ces gens-là. »« Veuillez ne pas me contraindre à une démarche fâcheuse, » répondit son mari avec un sourire aimable et une courtoisie idéale de ton et de forme. « Monsieur Brécard est une de nos valeurs intellectuelles. Je ne puis encourir le risque de m'en faire un ennemi. Mais vous m'aviez promis. Je vous ai promis de ne pas vous mener chez eux, ni de les faire venir chez vous. Je n'ai pas pu vous promettre de ne pas les rencontrer dans le monde. » Pressant légèrement la main de sa femme qui reposait sur son bras, il la déposa sur un siège et alla rejoindre la foule des amis de Brécard. Camille commence à souffrir, car depuis lors elle se demande s'il doit continuer d'estimer son mari, et la question n'est pas agréable à résoudre. D'ailleurs, le ciel se chargera de la punir, car elle, qui déteste les enfants, sera bientôt mère. Et les gens compétents se demandent si le ciel, dans sa clémence, ne lui accordera pas deux jumeaux. C'est ce que le temps nous apprendra. Ainsi s'achève l'ami d'Henri Gréville.